les jeudis jusqu'à 19h ou les samedis de 11h à 16h. Pour de plus amples informations, consultez le www.ocam.com. Vous écoutez Choc FM. Il va falloir faire un petit peu comme d'habitude, changer le disque des belles publicités qui nous animent et nous permet de continuer à faire de la radio bénévole. Ensuite, insérer le disque qui contient notre tune thème de votre show quotidien préféré. C'est tout ça quotidien à chaque semaine, c'est hebdomadaire bien sûr. Je pèse play, on s'en reparle dans une minute. En entrée, on va ouvrir le micro de tous les amis. Yay! Allô? Je ne suis pas seul. Il y a Brenouille, il y a Israël Trudel-Denis, il y a Simon Chénier à la table de 70% aujourd'hui. Tu m'as appelé Brenouille. Je t'ai appelé Brenouille, oui. Ça m'arrive souvent de rajouter des R à des places qui sont très appropriées. Ouais, mais là, il y avait un bon R et c'était le noix qui marchait pas. C'est Bruno, en fait. C'est ça, t'as mélangé les deux meilleurs amis. Ah ouais? Ouais. C'est pas grave. C'est vrai, il est où, lui, Benoît? Il est parti chiller avec du monde, mais il vient nous rejoindre tout à l'heure pour le excellent visionnement. C'est qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, ça va être quelque chose de très puissant. J'ai réécouté ça tantôt. On a célébré le fait que M. Chénier, archiveur expert, est passé nous voir. Bonjour, Simon. Salut. Ah, il n'avait pas encore dit bonjour. Hein, vraiment suave et impliqué. Et puis, c'est ça, on va écouter L'Arme absolue. L'Arme absolue qui se veut un long métrage de 1985 réalisé aux Philippines par l'excellent Teddy Page. Teddy Page, duquel tu vas nous parler un petit peu tantôt. Hein. Ah, ben oui. Et voilà, pendant que ce temps, moi j'ai amené la trame sonore de Nintendo Mother, le premier Earthbound, oui. Au Nintendo Vintage. Là. Ben, c'est ça qu'on va avoir comme bruit de fond, là. Ça a l'air d'être un petit peu haut de gamme. Ouais, hein. Ils l'ont repris, mais c'était haut de gamme, Mother. Ouais, moi, c'est un jeu très haut de gamme. Un bon jeu, là. Puis vous allez voir, il y a de l'instrumental un petit peu tantôt, là. Mais l'important, c'est que ça soit gentil. Puis on va commencer avec quoi aujourd'hui, hein? C'est une bonne question. Hein? Tu peux soit nous mettre une chanson, soit que Bruno nous lit une nouvelle tout de suite. Ah, ben tiens, lis une nouvelle, puis moi, je viens de trouver la tune qu'on va mettre, là, mais on va la préparer. Fait que vas-y, mon Bruno, okay. La première nouvelle. D'accord. Les recherches sont terminées. On a trouvé l'homme le plus laid au monde. C'est un avocat croate, cette semaine, qui a affirmé qu'il était probablement l'homme le plus laid au monde après s'être vu refuser 5000 demandes en mariage. Après avoir placé des annonces désespérées dans le journal local qui mettait l'emphase sur sa richesse telle que « Avocat tendre et riche recherche jolie femme pour marier » puis « Avocat atrocement riche recherche jolie femme pour marier », il était toujours incapable de se trouver une femme. Il aurait déclaré que « L'amour ne s'achète pas, en tout cas pas avec une face comme la mienne ». C'est excellent. T'as-tu vu sa photo sur Internet? Ouais, il me paraissait pas si pire que ça. C'est juste que là, c'était, il y avait quoi, un bec de lapin? Ou quand c'est un handicap, ça marche moins, on peut moins rire. Non, c'est ça. Mais à un moment donné, peut-être la laideur devient un handicap. Une opinion, Simon Chénier? Ah, ben tant mieux pour lui. Ben j'avoue, hein, il devient particulier. Il a pas besoin de rester avec des crises de filles. Ah, mais là, je trouve ça super triste parce que Damien est pas encore là, il était supposé. Il mange de la pizza à l'extérieur. Ah ouais, on l'a vu. Fait que mais c'est une excellente chanson. On remet encore une risée. Oui, parce que je trouve que c'est une cause qui nous touche tous. Bon ben on va réécouter ça, on l'a écouté. En fait, on l'a eu live là 2 semaines. Voilà, Damien, il va revenir plus tard dans l'émission pour nous chanter encore quelque chose à faire pleurer. Et voilà, on vous laisse, on revient à 70% juste après pour un excellent show comme d'habitude. On ne rise pas. Des enfants pauvres qui ne pourront manger la soupe de demain. Non, ne risez pas. Des enfants pauvres qui ont des mouches qui disent j'ai faim. La poutine ou rien, le cheese à l'air, le pâté sans chinois, la toast de croûte au beurre, c'est le manger des crèves, la faim, des 10 doigts séchés qui vous tendent la main. Non, ne risez pas, des enfants pauvres, mangez votre main le lendemain. Vous riseriez pas, des enfants pauvres, le lendemain, sur le cœur une seule main. Non, ne risez pas, des enfants pauvres, aimez les pauvres enfants qui ne risent pas d'être pauvres. Et voilà, voilà, c'est bien sûr le thème d'introduction de L'Arme absolue qui va être le film de ce soir, un film de 1985 mettant en vedette, là, je vais allumer les micros de mes amis, de Damien qui viennent nous rejoindre, là, justement, pour le crunchy, le thème sonore de L'Arme absolue, en anglais Dead Ringer, faut pas oublier. En fait, c'est quoi que je voulais dire au début? Oui, c'est vrai, je voulais lire ça ici. Le scénario le moins suivable, c'est lui à lui que j'ai donné ça, de façon très très égoïste. Le gagnant de cette catégorie nous a forcé à créer la catégorie dans laquelle il gagnait. Un scénario encore moins suivable que tous les scénarios insuivables que l'on aime en rencontrer. La différence entre un scénario insuivable et un scénario compliqué est aisée. Avec le deuxième, on comprend un peu plus à chaque écoute, alors que c'est tout le contraire avec le premier. Donc, gagnant dans la catégorie douteux d'or, scénario le moins suivable, humblement, je l'ai donné à cette affaire-là qu'on est en train d'écouter là. Le thème qui est interminable. Une phrase, en fait, c'est un petit texte du cinématoscope Simon Chénier qui est avec nous en studio. C'est moi. Que je vais lire. L'histoire de L'Arme absolue commence quand Frank arrive en ville. Il entre dans sa maison et se fait attaquer par des figurants philippins en sueur. Il tue tout le monde à grand renfort de ralenti, mais une question demeure. Pourquoi s'est-il fait attaquer? Par prouesse de déduction, on devine que Frank est le sosie de Dave. Un Dave recherché par la mafia. Mafia dirigée par Marlowe. Alors Frank, au lieu de partir ou d'essayer d'expliquer la situation, décide de s'en mêler en kidnappant la fille de Marlowe. Évidemment, une histoire d'amour s'ensuit. Ensuite, Dave revient pour l'affrontement final, durant lequel on peut savourer la toute-puissance de L'Arme absolue. Admirable le fait que personne ne se pose la question, pourquoi y a-t-il deux gars identiques dans la même ville? Sont-ils des frères éloignés, des clones? Qui sait? Et on ne le saura jamais. Ben, bien sûr, beaucoup d'autres douteux ont un scénario vraiment très louche. On a qu'à penser à la justice à coup de poing, à double force avec les Twin Dragons moustachus, à dernier assaut, tueur engagé, futurophobie, tuer pour survivre, ou vivre pour survivre, ouais, c'est ça, c'est Whitefire, là. C'est vivre pour survivre. Ouais, c'est vaseux, ça. Sinon, surtout les films Shawinigan-ois, chauffeur d'autobus, nommé Roger Normandin. En élargissant tout film ayant une note de moins 7 ou mieux, aurait pu trôner ici. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, on va lancer beaucoup d'acquis sur l'écran aux roquettes, mais pour l'instant, on va finir d'endurer l'intro et plonger toute notre attention dans le dialogue qui s'en vient, soit Max Taylor et le gars du casse-croûte qui vont établir les bases absentes de ce récit inexistant. Revenons, il y avait longtemps. Tu connais Fillmore Street? Fillmore Street? Ah oui, alors 4 blocs plus loin, tu tournes à droite et c'est la 3e à gauche. Mais pourquoi Fillmore Street? J'ai hérité de la maison de mon oncle. Alors tu vas laisser tomber ta vieille baraque? C'est plus que sûr. C'est plus que sûr. trentaine de secondes encore à l'extra. On voit Max Taylor qui rentre dans son véhicule. Et là, le gars du casse-croûte va prendre son téléphone. Puis il va appeler Marlowe. Hein? Ouais. Parce qu'évidemment, la pègre a aussi une chaîne de casse-croûte. Non, la même mise sur tous les casse-croûtes de Fillmore Street. Ou en tout cas, près de Fillmore Street. Devine qui je viens de voir à l'instant. Attention. Le saisis deux. David Appler. Vous le trouverez à Fillmore Street. Je te jure. D'accord. Mais c'est pas David Appler, c'est l'autre. Ah! Ouais, c'est ça, c'est Frank, là, tu sais. Ouais. C'est comme est-ce qu'il y a un moment où les deux sosies se rencontrent? Oui, oui, c'est de toute beauté. Puis est-ce qu'il y a comme un split screen avec une barre au milieu? Il y a une chaise. Ouais, c'est ça. OK. On le sent perplexe, notre Bruno. Hey, Damien, t'es venu nous rejoindre? Oui, oui, bien, en fait, je cherchais alentour, puis je suis en train d'écrire ma chanson de ce soir, puis ben, je savais pas que t'étais déjà dans le studio, puis on m'avait doublé. On était tous tristes, là, on se demandait, nous, là, en tout cas, on a fait éloge à ton talent et merci. Ta pureté d'émotion, là. Je sais pas quoi dire à ce moment-ci, peut-être qu'on pourrait commencer à poser des questions à notre invité, Simon Chénier. Oui. Oui, hein, tiens, Simon Chénier, quel âge? 25. 25 ans, ça fait combien d'années, toi, que la chose douteuse te perplexe et te questionne? J'ai commencé à 17 ans. T'as commencé à 17 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Mon premier film, dans le fond, c'est La Maison du cauchemar. La Maison du cauchemar, qu'on avait enduré jadis. Ouais. Oui. Oui, oui, ça a pas été facile. Avec la merveilleuse chanson, Burial, Burial. Mais ça venait d'un tape, c'était tapé à TQS en plus. Ah ouais, ok, t'as vu La Maison, c'est grâce à TQS. Oui. Si de nos jours, t'es rendu quelqu'un qui aime le douteux. Exact. Eh boy, je pense que t'es peut-être pas le seul dans ce... On se rappelle l'émission là avec Gaston Chose. Là. Toi, tu fais une quête, là, t'essaies de trouver des bouts. C'est quoi, c'est relever le défi. Relever le défi. Ouais, avec Gaston, le défi. Hey, moi, à un moment donné, j'ai regardé ça, puis il y avait un bonhomme, lui, plantait des pailles dans des patates. C'est ça son défi. Hey, Bruno, donne-lui une tape. Okay. Moi, le pire que j'ai vu, là, je suis loin de vous autres, vous allez pas pouvoir me taper, là. Mais c'est un gars qui est arrivé, il y avait un gros poêle de dash. Puis il se faisait appeler Popeye. Il était comme habillé en Popeye. Puis son défi, c'était qu'en tant que Popeye, il était pour, avec un système de strap accroché avec son poil de chest, faire des push-ups en soulevant des briques. Puis il l'a pas eu. Hein. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait une couple de push-ups, puis là, son dash a arraché. Son dash était pas assez solide pour les briques. Fait que, tu sais, ça avait l'air de faire vachement mal. Son chest saignait en ondes, j'imagine. Ouais, oui, c'est ça, ça saignait un peu, mais là, Popeye, il est orgueilleux, tu sais, il va falloir qu'il aille lancer des chapeaux, fait qu'il est mieux resté focusé. Après ça, il est allé tourner la roue et... Non, il a lancé les chapeaux. Il a lancé des chapeaux, ça garde en vie. C'est comme le défi générique, si tu manquais ton défi, ben, lancer des chapeaux. Sûrement qu'il y avait l'autre, là, celui que tu disais. Là, la voûte du défi, ça se casse la roue. Non, il y avait le roue. Ouais? Ouais, enfin, ça, c'est quand que tu l'avais. Ah, c'était quand tu avais la chance de gagner le gros cossin. C'était trop dur. Ouais. Fait que... Mais trêve de Gaston Lepage. C'est ça, on va y revenir. Toi, est-ce que tu joues à Magic, Simon Chénier? Non. Bon, c'est fait. sinon, mais mon coloc, il classe ses cartes souvent à côté de moi. Souvent, oui, je l'aime bien gros. Puis il joue avec du quoi? Du brun. Des cartes brunes. Ça se peut pas. Hey, où aimerais-tu prendre des vacances, Simon Chénier? Là? Tu peux aller, je te demande ça, là, de même. Ici. Ici? Oui, ici. À 70%. Avec vous autres. Oh, ben. Je suis têteux, hein? Fais-nous donc un indicatif pendant que tu y penses, là. Bonjour, je suis Simon Chénier et mon endroit préféré pour prendre des vacances. C'est comme tu veux, là. C'est 70% qu'il faut que tu cases comme tu veux. Bonjour, ici Simon Chénier. Vous êtes à 70%, la meilleure place où je prendrai mes vacances. Hey, c'est excellent. Merci beaucoup, Simon Chénier. Ouais, c'était pas formule. Hey, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter une petite toune. On va revenir te poser des questions. On va se mettre un petit instrumental tranquille qui vient du National Boards of Canada. Ça va nous replacer l'âme un petit peu plus aux vagues. La prochaine chose que vous allez entendre après cet excellent groupe instrumental qui vient de chez nous, ça va être Damien et son deuxième hit. Live. Les chips au bacon. Ah. Hey, j'ai une petite parenthèse. Ouais, j'en reviens du domaine. J'ai été jusqu'à Rouen. Puis là, au domaine, je n'ai vu des chips au bacon. Ça faisait genre 10 ans que je n'avais pas vu. Ça fait réfléchir ici à 70%. La toune qu'on écoute s'appelle Chromakey Dreamcoat. C'est le National Boards of Canada. On vous revient après à 70%. C'était des yum-yum en plus. Hein? Des yum-yum. Ouais. Il était sorti des juliennes. Non, non, des Juliettes au bacon. Ça, j'ai vu des... Ça sue, ça suinte ici en dessous. Comme un mort mouru un mardi. Parti pour pourrir un bon bout. Avant qu'on le retrouve samedi. Ça chlingue ici le chien flingué. Sur le bord de la route au fond d'un trou. S'on veut pique nos déglingués. L'a tiré parce qu'il chiait partout. Ça sent les chips au bacon. Ça sent la graisse de fiente de porc. Ça sent les chips au bacon. Ça sent l'huile jaune sur tous les bords. Ça revient comme un vendrame. D'un robineux qui rate son nœud. En se tapant sur le sternum. Avec sa bouteille d'alcool douteux. Ça pue pareil à l'ermite. Son savon gras viré au jus. Ses cheveux bouffés par les mythes. Tourné à l'huile de foie de morue. Ça sent les chips au bacon. Ça sent la graisse de fiente de porc. Ça sent les chips au bacon. Ça sent l'huile jaune sur tous les bords. Ça sent les chips au bacon. Ça sent les chips au bacon. Pour vous, mesdames et messieurs, Damien, dans toute sa splendeur. Merci beaucoup, hein? Ça puait le professionnel. Je pense que tu devrais revenir aux deux semaines, puis on va sortir un record juste pour toi après. 70%. C'est ça, là. Damien. Alors. Dit à 70%. De 70% session. Il y a Réal V. Benoît. Oui, Réal V. Benoît, le mineur chanteur. Le mineur chanteur, là, ben lui. Ouais, oui, on a fait un film sur sa vie, puis je l'ai pas encore vu, mais j'inciterai tout le monde qui nous écoute ou bien qui nous écoute pas à aller le voir, parce que c'est un personnage tellement attachant. Puis à chaque fois qu'il faisait un show, puis que j'étais là, il filmait, puis ça peut juste être bon si je suis dedans, tu sais. Humblement dit. Humblement, je dis. Fait que c'est ça, je l'ai pas encore vu, mais probablement que c'est donc parce que probablement que je suis dedans. C'est ça que je voulais dire. Je vous incite très fort à aller le voir. Ils sont au nouveau 10. Puis je travaille très fort pour l'avoir dans les deux prochaines semaines parce qu'ils montent faire de la promo à Montréal. Ouais, puis j'arrête pas de l'écœurer par email. Bon, ben voilà, téléphone-y une fois, tu vas voir, ça marche tout le temps fort, ça. Ah oui? Ah ben oui, demande son numéro de téléphone, tu vas voir, ça marche tout le temps fort. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner voir Max Taylor. Max Taylor qui a perdu connaissance, on se demande comment, et qui sera récupéré par son ami Mike Monty, qui joue le rôle de quoi déjà? Du sosie. Ouais, c'est ça. Mike Monty, tu parles? Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Le meilleur ami en short très court. Ouais, très court. Ouais. Fait que je garde les micros ouverts, là, on passe. À quelle heure, toi? Où suis-je? Qui es-tu? Dave, mais qu'est-ce qui te prend? C'est moi, Charlie. Tu es sous le choc ou quoi? Écoute, j'apprécie beaucoup ton aide, mais... Dave, c'est moi, Charlie. Mais bon Dieu, qu'est-ce que t'es revenu faire ici? Mais t'es complètement dingue. Arrête. Je comprends rien à tout ce qui m'arrive. D'accord. Je vais te faire voir quelque chose. Et tu es pour Baker? C'est spécial, ça. Non, en fait, il amène une photo de son ex qui est comme, dans le fond, la blonde de l'autre gars qui pense qu'il est lui pour l'attendrir, hein, c'est quelque chose comme ça. Là. Ouais. Lui expliquer que c'est personnel entre lui et Marlowe, le boss de la mafia locale, dont on a à peine quelque chose à faire, sincèrement. Là. Parlant de choses qu'on a à peine quelque chose à faire, je vais aller à 23 minutes 10. Je l'ai écouté cet après-midi pour sortir les extraits. J'ai quelque chose ici, j'ai écrit totalement inutile. C'est la seule note que j'ai écrit. Fait qu'on va aller l'écouter, c'est un petit 50 secondes. On replonge encore dans l'univers de l'arme absolue avec Max Taylor et son ami Charlie. Je pensais plus avoir à m'en servir jamais. Il y a un fusil dans sa main, là, ça. On ne peut jurer de rien. C'est philosophe. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce fameux Dev? Après tout juste un mois, le vieux John a réussi à faire sortir son fils de prison. Et Junior en a profité pour rechercher Dev qu'il voulait descendre. Un jour, on a retrouvé Junior mort, une balle dans la tête. Selon la version des flics, les empreintes retrouvées sur l'arme étaient celles de Dev. Le vieux John, à la suite de ça, a lancé un appel à ses chiens. Tu crois que ce Dev a tué Junior? Je connais Dev depuis qu'il est gosse. Et je suis sûr qu'il a rien fait. Qu'est devenu Barbara? À la pauvre, c'était pas très joli à regarder. J'adore ça. Sinon, ben, c'est à ce moment-là qu'on apprend que Frank et Dave ne sont pas que exactement pareils. Ils sont en tout point de vue le même physique. Au point qu'on jurait que c'est le même acteur. Seulement, c'est comme j'ai dit, il y a personne qui en fait cas. Tout le monde trouve ça comme, ah, ben, ah, t'es nouveau. Ah, excuse-moi, j'étais pris pour un autre. Tu sais, ah, sapristi, ah, OK. Tu sais, fait que là, ben, on vient de voir la séquence que je considérais comme inutile. Je pense qu'on a tous bien, bien capté la profondeur de la chose. On va aller se taper un petit dernier extrait avant de continuer des questions de notre cher invité. Cette fois-là, c'est Max Taylor qui vit des aventures, encore une fois, dans une... Ah non, on va voir Marlowe, le boss des méchants. On le rencontre. Tellement attachant. Oui, Monsieur Marlowe. Vos laquais sont morts et vous allez y passer aussi si vous n'avouez pas tout. Je sais beaucoup de choses au sujet de ce viol et des meurtres. Pour qui tu te prends, espèce de freliquet? C'est méchant, ça? Freliquet, ça dit, là. Ça dit. Je voudrais que ça leur tente pas d'être eux autres. Ah, mais jusque-là, là, il nous manque qu'un seul élément important pour avoir notre salade de douteux complétée. C'est que ça devienne personnel? Ben, en fait, ça l'est déjà depuis le début, parce qu'il a essayé de le tuer, puis il veut se venger. Ce qui nous manque, c'est... Vous allez l'entendre bientôt. Il passe de blonde. Ah, ouais. Voilà, la blonde. Je vois que t'as encore des ennuis. Tadam! Là, on apprend que, dans le fond, vu que c'est la seule fille du film, ça donne que c'est la fille du boss des méchants. Et depuis... C'est pas tes affaires, t'es bien curieuse. Ouais, toi et ton business. Tu te fiches bien de moi, en réalité. Pourquoi ne pas vivre comme tout le monde? Écoute, gamine. Ne mords pas la main de celui qui te nourrit. Jamais. C'est pas prudent. Tu es une Marlowe aussi. Et je te conseille de ne jamais oublier ça. C'est pas vrai. On a encore un petit bout, là, une petite trentaine de secondes. Marlowe, il sue beaucoup. Oui, oui. il est assez dodu et il n'a pas très l'air sportif. Ici John Marlowe. Vous écoutez 70. La seule. Je veux me charger moi-même de l'exécution de Dave. Attends, c'est personnel. Ça suffit. Ferme-la. Mais il n'y a personne qui a parlé. Il est à moi. Oui, j'avoue. Tu as compris? À moi. Et voilà, on raccroche le téléphone, on poursuit des aventures. On va peser pause là, on va ouvrir la musique de fond ici. Yeah. Simon Chénier, c'est aussi le gars qui archive le DVD, le VHS et transforme ça en digital. C'est grâce à lui, je l'ai remercié souvent en ondes. Finalement, on l'a ici. Simon qui transforme le VHS en digital grâce à son ordinateur ainsi qu'à son VHS. Je me demandais, t'en fais comment à peu près par semaine des VHS? Je peux en faire entre 15 ou 20. Hein. Ça, là, mesdames et messieurs, ça, là, c'est des VHS que si toi, tu ne digitaliserais pas, il n'y a aucune compagnie d'édition qui a l'idée de reprendre l'arme absolue et de le ressortir sur les tablettes en français doublé comme ça. C'est impossible. Donc, ce que tu fais, c'est que tu assures la pérennité et dans une couple d'années, on va pouvoir tous ensemble continuer à écouter l'arme absolue. Ça, ben bravo, je te le dis assez souvent. Mais une chance que j'ai pas de vie. Hein? Mais sinon, comment d'originaux VHS tu penses que t'as? À peu près 400. 400, c'est pas pire. Ouais. Dans leur boîte, là? Ouais. Oh, oui, avec l'exécuteur, exterminateur, exterminateur et destructeur. Oui. C'est un vrai film. Mais je n'ai digitalisé un cette semaine, ça s'appelle L'Exécuteur. Juste ça. Ouais. C'est rare. Il y a le bras robot, là. Non, même pas. Ah, c'est pas lui? Non. C'est celui avec... Je sais pas, c'est un gars avec un casque de moto, ça cover. Ouais, ouais, c'est ça. Il rencontre un ninja, un homme des cavernes, un romain, là, c'est débile, là, un petit robot, pis tout, là. Non, c'est ça, avant de parler de Simon Boisvert un petit peu plus tard, parce qu'on va revenir avec des extraits tirés d'un de ses films, j'aimerais ça que tu me parles de, mettons, tes douteux préférés, tes acteurs, réalisateurs, des gros noms, là, des affaires pour les auditeurs, là, que tu sais, commencer avec ça, c'est musclé. Ben, celui d'asseoir, L'Arme absolue, je pense, c'est mon préféré. C'est mon top. Okay. Ton top 1? Ouais. Ça m'a pris du temps avant de me décider, mais je pense que c'était lui. Ouais. No, parce que c'est tout le temps les premiers qui font plus d'effets, je pense. T'as La Maison du cauchemar, qui était mon premier. T'as les deux Guerriers du Bronx, un et deux. Oh. Puis t'as L'Arme absolue. C'est vraiment ça. Ceux qui m'ont marqué le plus. T'as fait tes classes à l'international. Ouais, ouais. Pendant longtemps, j'ai juste écouté du italien 80. Okay. Je voulais pas rien savoir des Américains, mais finalement... Ben, il faut. Toi, tu m'as fait découvrir les autres. Ah ben là, les Twin Dragons moustachus, c'est fait au Canada. Là. Ouais. Il faut pas passer à côté de ça. Hein. Sinon, qu'est-ce que tu penses de Total Crap, du mouvement Total Crap, de ce qu'ils sont en train de faire là? J'en ai jamais vu. Ah. Fait que tu peux pas le prononcer. Non, c'est ça. OK. Puis sinon, est-ce que t'aimes le jambon? Seulement à Forêt Noire. Ah ben c'est quand même ça. Même pas à l'érable. Non. Mettons, tu boirais-tu comme un drink au un jambon? Jus de jambon, non. Non. Pas de jus de jambon pour Monsieur Chénier. Qu'évoque pour toi Noël? Des lumières. Puis des tunes bien quétaines. Puis un vinyle qu'il y a là. Ouais, ouais, ils sont beaux. Noël ouais. Avec les quoi? La famille Brassard. La famille Brassard. Famille Brassard. Ouais, c'est Damien touchés. Que vous amenez ça pour qu'on le regarde. Fait que regardez à la maison, la belle famille, ils sont comme 14 en fait. On va la mettre ouais. Devant le micro. Eh hey, ben non, mais moi j'aimerais ça que tu me parles de ton politicien préféré un petit peu là, avant qu'on aille écouter une toune. Pas facile. Ben j'aime, il y a Mario Dumont qui prononce premier ministre, premier ministre. Pis ça me fascine. Ah ben c'est pas pire. C'est à peu près ça. Bon ben merci Simon. On va aller écouter une toune des Dropkick Murphys. Ça va être Caps and Bottles. Wow. C'est pour faire un peu plaisir aux amoureux de punk là, qu'il y a dans la place. Là. Je sais qu'il y en a un petit peu. Là. Mmh. Fait qu'on va faire ça. Il était là la semaine passée, je pense. Ben oui, c'est ça en plus. Là, hein, on est tellement vintage, nous autres, à 70%. On se tient tellement au courant de la fête. Des derniers développements culturels. Comme j'ai entendu parler qu'il y a un DJ qui s'appelle Shane 54 qui veut remixer Fourré des morts, je pense, de Trunk 25. Il voulait ouais, c'est ça. Fait que on va écouter ça puis on revient parler de d'autres choses qui sont un petit peu plus vraies. Yeah. Je les gardais pour la rançon en cas de besoin. Je ne voulais pas que vous soyez tentés. Bien sûr. Qui mieux que le plus salaud des fils de putain peut savoir ce qui se passe dans la tête des fils de pute. Alors, on continue en nouvelle. Heather Mills, ancienne mannequin et ex-femme de Paul McCartney, a déclaré il y a quelques jours que le seul moyen de sauver la planète serait que tout le monde devienne végane. Pour enfoncer le clou un peu plus loin, elle a proposé la solution suivante. Arrêtez de boire du lait de vache, il y a plein d'autres alternatives, comme du lait de chien et du lait de rat. J'ai pas vraiment de commentaire pour celle-là. C'est vrai, on les sous-estime souvent. Ouais, hein? Ils en produisent eux aussi, tu sais. OK, des petites nouvelles de Père Noël ici. Bon, premièrement, à Sydney, en Australie, les Père Noël c'est ont... C'est l'intérêt de boire du lait d'autres choses à part le lait de vache. Je veux dire, comme, au pire, ils vont avoir, comme, à la place d'avoir des états avec des vaches, ils vont avoir des états avec des chiens, non, ça va pas être mieux. C'est quoi? Je pense que c'est comme la, couper des pâturages puis tout ça, ça détruit de la forêt, puis ça prend beaucoup de place, puis ça mange beaucoup des vaches. Je pense que c'est ça l'affaire. Ça fait des pets au méthane qui encouragent l'effet de serre. Ça doit être avoir des chenilles. Oui. Ouais. Je te prierai de pas m'interrompre quand je lis les nouvelles. Ah ouais, OK, bon, bouillon. Oui. Alors, on parlait de Père Noël. Oui. Pour ceux qui n'écoutaient pas. Donc, à Sydney, en Australie, les Pères Noël ont reçu une étrange requête. Ils devront maintenant dire « ha ha ha » au lieu de « ho ho ho » de peur d'offenser. L'office de recrutement Westaf, qui embauche chaque année des centaines de Pères Noël et les envoie à travers l'Australie, a affirmé que la phrase pourrait, et je cite, « faire peur aux enfants et même être considérée comme dérogatoire envers les femmes ». Dans le sens de « hose ». Ouais, hose. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. H-O-E. Ouais. Okay, donc... Fait qu'ils viennent de réaliser ça en 2007, mettons, que peut-être que parce qu'il y a un mot en anglais qui fait la même affaire que la bébite qui est vieille d'à peu près 150 ans, qui a été inventée par Coke, là, au tournant 1920. Ouais. Mais cette bébite-là, elle parle le même langage que quand on insulte quand les femmes. Quand on est un West Coast rapper. Qui viennent de réaliser ça en 2007. Comme dit NWA, an enthusiast, ho! C'est ça. Yann, tu vois qu'ils sont vraiment, vraiment impliqués à la cause féminine. Tu vois qu'ils s'occupent du bien-être de chacun. Mais continue, s'il d'accord. te plaît. On parle encore de Père Noël. Un Père Noël au Texas, cette fois, s'est retrouvé il y a quelques jours dans une situation assez précaire. L'homme devait faire son apparition dans un centre commercial en descendant d'une pancarte de 25 mètres de haut, en rappel, mais il est resté coincé à 10 mètres. Le problème, sa barbe s'est coincée dans sa corde. Quelqu'un lui a lancé des ciseaux, il a commencé à couper sa barbe, il n'arrivait toujours pas à descendre, donc une équipe d'urgence a dû aller le sortir de là sous les yeux inondés des enfants. C'est drôle, mais ça ne l'est pas. Pourquoi il fait pas de magie pour descendre? Parce qu'il n'y a pas de cheminée. Allez, donc, petite dernière. D'accord. Quelque chose, on va dans le plus sérieux cette fois-ci. En Malaisie, dans un effort pour démontrer la souffrance de sa communauté extrêmement appauvrie, un Indien d'origine poursuit le gouvernement britannique pour 4 trillions de dollars. J'ai vérifié, le chiffre existe. Il souhaite que le gouvernement paye 1 million de livres à chaque Indien d'origine pour abus de droit qu'il retrace à l'époque coloniale. Cette communauté qui équivaut à 8% de la population de la Malaisie possède 1,5% de la richesse du pays. Ben là, OK. Fait que là, ils avaient le tout pour se venger. Exactement. Aïe, aïe, c'est beau, ça. Là, on va aller écouter du Simon Boisvert. On est prêt mentalement, tout le monde. C'est le personnage de Vincent. Vincent qui présente moi là en quelques phrases. Vincent, c'est un des pires salauds. OK. En gros, c'est pas mal ça. OK, c'est voilà. Mieux de mettre les extraits. Fait que vous allez voir, les extraits parlent par eux-mêmes. C'est bien Simon Boisvert qui joue le rôle de Vincent aussi. Hein, ouais. Voilà, donc on écoute le réalisateur qui lit son propre texte dans son propre film en jouant le rôle du personnage qui a décidé qu'il était pour être un salaud. Non, mais j'imagine que tu vas me le dire. T'as une minute, là, je fais ma shot. Tu peux continuer, là, mais je t'écouterai pas. Toujours les mêmes niaiseries que tu répètes. L'école, là, c'est pas tout dans la vie. Moi, j'ai un secondaire 5, puis je suis contrôleur aérien. Et toi? Un bac, là, ça te donne pas des nerfs d'acier. C'est ça que t'as de besoin dans ce job-là. Hey, là, tu commences à me casser les pieds, OK? Je les respecte. C'est juste que ça m'intéresse pas. OK? Ça ne m'intéresse pas. Mais tu te le dis en anglais? Là, il parle à quelqu'un. Il y a une fille qui est là, qui endure. Don't care. Ah. Bon, ben... Je pense que je vais aller regarder la game de hockey chez nous. Je peux te savoir que c'est ça. De toute façon, Simon Boisvert, on va en reparler bientôt. Pour être en forme pour étudier. Puis oublie pas, il y a un party chez Aline, mais... Arrange-toi un peu, là. Pas me faire honte. En tout cas, les filles, vous êtes dures à suivre. Votre caractère change comme la température. Vous cherchez tout le temps une bibitte. Puis quand vous faites un chum, là, ben vous lâchez vos amis. Vous autres, les gars, là, on a plein d'amis. Puis vous autres, vous vous chicanez tout le temps. C'est bizarre, hein? Je sais pas de quoi il parle. Voyons donc. Il est vraiment dans son monde. Ah oui, là, il y a une scène de fou d'amour dans la cuisine où il pète un œuf sur la tête de sa blonde. Je la trouve. Garde les dents. Le chauffeur apparaît. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Sauf que quand une fille comme toi me le demande, je réponds que je suis célibataire. Tu comprends ce que je veux dire? Toi là, crush-toi donc quelqu'un un soir, venons le faire vite. Fait que ça fait du bien, hein? Ça débloque la tuyauterie avant qu'à vous. Il est vraiment comme un c'est vraiment un best-of de toutes ces répliques. Oui, oui, ça vient tout du même film, c'est-à-dire Caroline. Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent. Voilà. Un titre très accrocheur. Je vais chercher les affaires que t'as laissées chez nous. Puis retarde pas trop, hein? Parce que les vidanges passent après-demain. Tu peux me dire qu'est-ce que ça te donne de savoir où il zimbabouille quand un maudit client fatigant qui essaye de venir t'échanger sa paire de caleçons pleine de traces de break puis qu'il a même pas sa facture en plus de ça. Bob, je m'excuse de dire ça, là, mais tu connais rien là-dedans. Hey, faudrait pas qu'une fille l'invite juste à aller prendre un café. Je pense qu'elle demandera un mariage le lendemain. Je suis jaloux parce que je m'accroche des belles filles. Toi, la grébiche. Ben, ouais, attends. On t'a pas demandé. C'est pesant. Toi, la grébiche. D'une maîtrise, j'ai un secondaire 5, puis je fais 4 fois ton salaire. Ça fait que écrase avec ton petit diplôme qui sert à rien. Ça veut dire que j'ai raison. Je fais plus d'argent que toi. Ton goût, cette vieille frustrée-là. Avec un secondaire 5. Quand t'es de son bord. Man. Ça, il y répète souvent. L'expert a parlé. Hey, j'ai peur, hein. Elle va peut-être me violer. Je vais m'en souvenir la prochaine fois qu'ils vont me demander quelque chose, ces deux vaches-là. Ben voyons donc. Je pensais qu'on allait souper chez Richard. Moi, je suis bonasse. Tu capotes. Ça vient tout du même film, c'est beau, là. C'est toi qui as fait ça. Que c'est ça? Regarde, elle vient d'acheter un nouveau système de son. Où c'est qu'elle a pris l'argent? Tu fais des photos sur appel dans un hôtel. Il paraît que t'as fait des parties pendant que j'étais parti. Oui, puis. Ben, c'est parce qu'il y a des voisins ici. On vit en communauté. Hé, là, tu me niaises. Ah, ouais, c'est de la bière, mais j'ai jamais fumé un joint de ma vie. Hé, hey, tu me diras pas quoi faire, toi. Je suis le meilleur ici, puis je vais continuer à faire mes shifts. Le sans meilleur. Ça, je sens me sacré dehors. Anyway, tu pourras pas me remplacer. Ça prend des années pour former un contrôleur. Hé, hey, c'est pas vivable, c'est. On te traitait comme dans l'armée. Tu m'enverras mon 4%. Fais ça, sac ton gant! C'est quoi, c'est un bruit d'avion qui passe? Ouais, ouais parce qu'il travaille dans un aéroport. Il contrôle l'aérien. Ouais. T'as pas compris? Mais non, t'as pas compris? Ouais, mais c'était comme, mettons, ça se peut pas que le gars travaille pis que dans son bureau, il entende les bruits d'avion de même. Non, dans celui-là. Non, pis c'est pas le temps. Ça devait être, mettons, comme pour cacher moi, alors, comme des beep du job beep de sur de les game, sacs. Mais quoi que... Il faut dire que quand il se met dehors, le boss, il tient un avion en plastique dans ses mains. Es-tu malade? On se rappelle que ouais, c'est qu'on sache. Tu te compte de ce que tu me demandes? Non, j'irai pas chez ma mère. Hey, tu t'es servi de moi pas à peu près, hein? Toute gentille, toute mielleuse quand on s'est rencontrés. Hey, ouais, c'est, ça vient tout du même film, j'ose. Dire que j'ai payé 3 000$ pour te faire faire un faux diplôme. Hey, t'es malade, va te faire soigner, ça presse! En tout cas, c'est pour l'argent que je te dois. Tiens-toi. Ouais, il vient de manger un coup de poing dans le ventre. Ouais, ouais, par un nain. Hein. Par Richard. C'est Richard? Ouais, c'est Richard. Hey, bravo. Donc, maintenant, tu vas me parler un petit peu de Simon Boisvert, ce cinéaste québécois qui a été refusé par la masse comme... comme extrait de film, en fait, comme film à regarder cette semaine, on a voté plus pour L'Âme absolue. Pour, ben ouais, parce dommage. Que t'es mais ça m'intéresse, j'aurais quasiment le goût qu'on l'écoute la semaine prochaine. Ouais, ben, c'est un film sur la jeunesse, si j'ai bien compris. Non, c'est un gars dans la trentaine et c'est diverses blondes. Ok, puis, voilà, ben c'est diverses blondes, c'est-à-dire, il y a une blonde, il se fait une autre blonde, puis il couche avec sa demi-sœur. Genre comme Patrice Robitaille pourrait jouer le rôle. Ouais. Facile. Fait que là, on va cibler ça. Là, on parle de Simon Boisvert, réalisateur, producteur, auto-scénarisationnalisateur, ouais, montréalais de Montréal, qui raconte les affaires de Montréal. De l'Ouest de Montréal. De l'Ouest de Montréal, avec son budget de l'Ouest de Montréal, ses affaires, pis tout. C'est totalement autoproduit. Ouais, ouais, pis il dit bien dans le générique, aucun gouvernement m'a aidé à financer le film. Ce qui est bien pour notre portefeuille et notre quotient. Ouais. Moi, je me demande comment t'as connu Simon Boisvert? Ben, j'étais avec deux amis au DVDO sur la jeunesse, qui n'existe plus. Il a été mangé par un Vidéotron encore. Oui, ça arrive. Puis on a trouvé cette cassette-là. On savait pas à quoi s'attendre. Puis on a commencé à l'écouter. Puis au début, ben, on l'a quasiment arrêté. C'était Vénus de Milo, qui était son deuxième film, où il raconte l'histoire d'un groupe rock, dont lui, le guitariste compositeur. OK. Puis on a commencé, puis plus ça allait, plus c'était assez intense. J'ai jamais vu un gars écrire des textes comme ça. Il y a vraiment une plume particulière. Je te dirais que dans 4 de ses 5 films, il fait un personnage qui chiale tout le long. Je pense que c'est sa marque de commerce. Il aime bien ça se plaindre, hein? Puis il paraît que même en entrevue, il est pas fier de nous, les Québécois, et puis de la façon que les choses évoluent. Non, ben, ce qui me fait rire, c'est que il a son dernier film qui s'appelait Échangiste, qui est sorti au cinéma, d'ailleurs, qu'on a vu ensemble. On a été voir ça, ça a été de toute beauté. Sur le site web, il nous raconte que il est tanné qu'au Québec, ça soit tout le temps les mêmes acteurs, puis que ça soit tout le temps les mêmes histoires. Parce que lui, dans ses 5 films, c'est sur les relations de couple. Puis et ses 5 films, c'est acteurs. Pas mal toute la gang de même acteur. Puis d'ailleurs, parle-moi un petit peu de ces acteurs là qui reprend tout le temps. Là. Ben, il y a Mila Foster. Non, ben son vrai nom, c'est Diana Lewis, qui réalise Vénus de Milo et Des gars, des filles et un salaud, qui sont... Troisième film, ok. Elle est dans tous ses films, c'est une anglo avec un accent très fort qui parle en français dans ses films. Ok. Elle, à part ça, je l'ai jamais vu ailleurs. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi. Puis il y a Edwitt Fennec, ou non, c'est pas ça, pas en tout. Je me souviens plus son nom. Mais il est dans deux annonces de Future Shop. Okay, dans une, il est figurant, puis dans l'autre, il donne deux guides de Guitar Hero à deux clients. C'est un grand africano-canadien. Là. Ouais, ouais. Voilà. Eh ben quand même, hein. Puis là, tu dis, il y a 5 films dans l'ordre, si j'ai bien écouté. C'est Caroline, Stéphanie, Nathalie et Vincent. Ouais. Après, il y a Vénus de Milo. Vénus de Milo. Là, après il y a la filles. Suite de Caroline, Nathalie, Stéphanie et Vincent. Ouais. Qui est Des gars, des filles et un salaud, aussi connu sous le nom de Le retour de Vincent. He's back. Il y a Paul Amarani qui joue dans celui-là. Oh! Qui, oh. Ouais. Oh. J'avais vu en entrevue, il disait qu'en 2003 ou 2002, il était un peu sur la coke, et je pense que c'est directement dans ce film-là. Ah. Je pense que le personnage est sur la coke, lui est sur la coke, tout le long. Tout est sur la coke. Il doit même plus s'en souvenir de ce film-là. Ce qui est sûrement mieux pour son après, amour après, il y a eu Barmaids. Barmaids. Qui est vraiment dur à trouver. Puis il y a eu Échangiste qui est sorti au qu'on printemps. Qu'on a vu au cinéma Beaubien d'ailleurs. Ouais. C'était infect. Ben, effectivement très très douteux. Ouais, ouais. Pour ne pas dire ça de quelqu'un qu'on va essayer malheureusement, d'éviter. Hein. Ouais, ouais, on va essayer. Moi je travaille là-dessus puis je vais essayer d'appeler Paul Amarani aussi pour lui demander s'il s'en souvient. Ben, ouais, ouais, ça il faudrait. Fait que ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replonger. Merci beaucoup Simon Chénier, hein, ben. L'expert, la sagesse ici. On va replonger dans l'arme absolue pour aller encore se saucer dans quelques extraits. On a rencontré la fille, rencontrons l'amour. Parle de vos histoires, j'ai rien à faire ici avec vous. J'y suis pour rien si vous voulez jouer les justiciers. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, vous entendez? Vous me prenez pour qui à la fin? Je vais vous dire une bonne chose. Oh là, il donne une claque. Il a joué? Il a pleuré. Là, il va y faire un câlin. Chérie, excusez-moi. Il est-tu en bébé? Et voilà, c'est l'amour. Non, non, Cathy, je suis désolé. Vraiment désolé. Hey, c'est tellement beau. C'est ça l'amour, hein? Tu sais pas quand ça arrive, c'est comme ça. Là, ils commencent à s'aimer, puis là, ben, on va aller un petit peu plus loin à 55-15 pour savourer encore une fois une manifestation d'amour un petit peu gratuite entre l'héroïne, qui est la fille de Marlowe, qui est le gros méchant, Et puis, ben voilà, on se laisse aller. Merci. Max Taylor a été blessé, la fille l'a sauvé. Ça arrive des fois, ça, que la fille fasse des pensées. Je n'ai plus besoin de vous, Cathy. Il est blessé, bien sûr, à l'épaule droite. Vous pouvez partir. Rien de grave. Non, c'est ça, il peut faire des pensées. Profitez-en. Je préfère rester avec vous le temps que ça aille mieux. Vous êtes encore faible. Pourquoi ne pas aller à la police et tout raconter? Non. J'ai tué trop de gens maintenant. Allez-vous-en. Franck, je ne peux pas vous laisser. Je vous aime, vous m'avez giflé. Et voilà, c'est ainsi qu'est né l'amour. Et pour la première fois, Max Taylor embrasse goulûment. C'est assez répulsif. La bouche de la fille de Marlo, le méchant boss de la mafia. On va aller écouter maintenant une séquence qui dure à peu près 2 minutes. On va comprendre d'autres nœuds de l'histoire qui, dans le fond, je veux dire, ça évolue comme ça vous tente. Là. Depuis le début, il n'y a pas grand-chose à suivre. Là. Sinon que le gars, il a kidnappé la fille. Mais là, joli la fille boulot. Est libérée. C'est tout ce que je veux pour toi. Je te remercie, Marlo. Oh, bébé. La fille et son père. Il ne pouvait rien t'arriver de fâcheux. Steve était là pour te protéger. Ne me fais pas croire que je t'intéresse. Steve. Tout ce qui compte pour toi, c'est Dave. Dave, où est-il? Celui que tu poursuis n'est pas Dave. C'est ce qu'il t'a raconté. Que tu te fasses piéger, ça te regarde, mais pas moi. Je te prie de croire qu'il paiera son crime. Son crime? Ton crime? Ton meurtre? Je sais toute l'histoire. Ton junior, le viol. Arrête, Cathy, ou ça va mal finir. Barbara, ça suffit. Charlie est la mère de Val que tu as fait tuer. Ouais. Arrête, oh, arrête. Emmenez-la dans sa chambre. Il suit encore, hein, non, je pense. Vous êtes tous pourris dans cette maison. Tu sais, puis il est tellement petit, il arrive dans le milieu du cadre. C'est comme tellement mal cadré. Ah, oui, voilà. Ça, j'ai hâte de vous montrer ça live. C'est le moment où les deux, Frank et Dave, joués par le même acteur, se rencontrent. Là, ils vont se parler l'un l'autre. Là. C'est très bien fait. Ils ont-ils la même voix? Ben, oui. On le voit tout le temps, celui qui parle. Il n'est jamais de dos. Fait que, ils ont fait 102 séquences. Là. Ils ont mis un gel habillé comme lui. Vous êtes sûrement le type qui recherche les autres. Marlo, comme les poulets. Ils m'ont tous pris pour vous. Alors j'ai kidnappé sa fille. Ah ben oui. Fille de Marlo, c'est ça. Le meilleur plan. Où est-elle? À place André, d'expliquer que je n'étais pas vous, j'ai kidnappé avec de la sa fille. J'ai décidé de m'en mêler. Il a tué bien trop de gens. Tu connais mal les Marlo. C'est personnel pour toi et moi. Ouais, c'est ça. Charlie m'en a très longuement parlé. C'est personnel à deux. Maintenant, on est deux à faire face. Non. Non. C'est ma guerre. C'est personnel, à ma façon. Il n'a qu'une seule loi. La mienne. Mais est-ce que le héros a comme un passé de guerrier ou... C'est flou, est-ce qu'il paraît? Il n'y a rien. Après à peu près 40 écoutes du film, je te dirais qu'on voit au début, il y a une boîte à côté de son banc. C'est marqué US Military. Ça laisse sous-entendre que... Qui est peut-être déjà allé au surplus d'armée. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On est déjà rendu à la dernière séquence. On a un petit 40 secondes avant de faire la fin de l'émission et puis le move vers la roquette pour aller poursuivre ça avec les amis, les acquis et l'écran sur le mur. Et puis de la bière, ça fait tout le temps du bien. On est au combat de la fin. On va voir un speech. Là, tout va se régler. Là. Le héros prend en otage la fille qui était tombée amoureuse d'eux. Larson! Mais dans le fond, c'est pas le héros. Puis là, mais voici! Chose. Je sais que tu veux ma peau. Mais si tu respectes la loi, écoute bien ça. Marlo, il est grand temps de tout avouer. Tu as tué ma mère. Et aussi ma fiancée et mon meilleur copain. Sans oublier ton propre fils, Junior. Sans oublier. Hé, le c'est ça, mon chien maniche. Tout est inventé. Le vendeur de hot dog. Larson, j'ai un témoin de poids. Papa, dis-leur la vérité, je t'en prie. Tu sais bien que Dave a raison. Et voilà, c'est tellement touchant. On est rendu à la fin de l'émission de 70%. Ça a passé vite. Oui. On va dire merci beaucoup à Simon Chénier parce que c'est une présence très appréciée. T'es le bienvenu n'importe quand pour revenir parler et partager ta sagesse. Oui. Simon Boisvert, reste au courant. On va sûrement en amener des séquences. Là. Puis en plus, j'ai des extraits parce que tu nous as amené les disques bénis avec des extraits. Ça, c'est plein d'extraits audio que lui a découpé personnellement de films questionnables. Wow. Très, très douteux. Puis il a appelé ça extrait sonore douteux. J'aime ça. Pour toi. Merci beaucoup. Hey, puis on a Bastien. Damien qui nous chante des belles chansons. Excuse-moi, Damien, ouais, Damien. Je sais que je me répète, mais de l'instrumentation, j'aimerais ça en avoir. J'aimerais ça travailler avec toi, je t'en rejase. Ok, c'est beau. Ben, c'est beau, il y a des cosmes créatifs autour de la table. Bruno! Hey! Bon, ok, là, ça c'est Benoît, ça c'est Damien, là, il faut que j'arrête de me mélanger. Merci Bruno pour les nouvelles, c'était parfait. T'en as-tu une petite dernière rapide? Ouais. Je suis rapide. Ouais, il y a un potier chinois de 73 ans qui a révélé la semaine dernière sa toute nouvelle création. L'homme qui se spécialise dans les théières a créé la plus petite théière au monde. Elle pèse 1,4 grammes à la taille du bout de l'index, ce qui nous confirme une fois de plus qu'en Chine, comme partout ailleurs, il y a du monde qui ont beaucoup trop de temps libre. Oui, j'aimerais juste dire que c'est la fête à ma blonde ce soir. Il faudrait lui souhaiter bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, Emma. Certain. Merci Israël Trudel-Denis d'être toujours là. Ben oui, on a bien fait ça encore une fois, ben, pour les amis aussi, hein, pour les auditeurs surtout, pour 70% en particulier. Ben, pour vous laisser là-dessus, on va écouter All That I Needed Was You. Ça vient de la trame sonore, encore une fois, de Mother, le vieux jeu de NES. Puis c'est ça, on va revenir la semaine prochaine, puis on vous aime, puis lâchez pas la patate. Non, on s'en va aux requêtes, hein, oubliez pas, vous pouvez amener des toutous puis des acquis pour Mont Royal Saint-Denis. Voilà, à la prochaine les amis. À la prochaine. Bye bye. Tu sais, la semaine passée, c'était la journée internationale de la toilette. Écoutez du douteux.